autre commentaire. Est-ce que tu vas lire, pardonnez-moi, la lettre de Nicolas Sendrade, là, qui a fait le site? Non. OK. Non. Parce qu'Anna m'a dit, tu n'as parlé deux, trois fois, puis tu n'es pas revenu là-dessus. Ben, Louis Duncan en a parlé tantôt à 7h30 aux nouvelles. OK, elle pensait que tu allais lire la lettre en soi, là. Non, ben, écoute, c'est des gens qui sont... Bon, remarque, si vous le souhaitez, là, vers 9h, je pourrais vous la lire, mais tu sais, tu vois par le ton, là, que c'est... Ben, moi, j'ai lui, vu... Lui, il aurait pu s'enfermer dans le téléphérique aussi avec les autres, là, tu sais. J'ai vu un lien Facebook, et le gars... dit, c'est pas parce que mon site a été fermé que je vais arrêter de croire en ce que je crois. Il dit, notamment, tu me diras si c'est à peu près la même chose dans la lettre. Il vient d'ailleurs, puis il dit que c'est un gars qui aime la nature, puis que bon, il a décidé de faire ça pour ça, et qu'il va continuer de prôner pour Vajalbert. C'est ça. Écoute, il vient de l'Argentine. Ça fait à peu près 3 ans, même pas, 2 ans qu'il est ici. Puis là, il vient nous faire la morale en disant qu'on détruit un site patrimonial, tu sais. On va aller faire un tour en Argentine pour voir ce qu'ils ont fait là. Occupe-toi donc de tes affaires dans ton pays, puis hein, arrête de nous faire des leçons, s'il vous plaît.